des nuages blancs et gris. T'es allongé et un peu moutonneux et un ciel un peu bleu-gris parfois. Tirant vers le blanc et se confondant avec les nuages. Blanc au loin et les nuages blancs se confondent parfois. Les sommets des immeubles parfois. Au loin et parfois au loin des nuages effacent les immeubles. Dans les rues le brouillard rejoignant les nuages, se confondant avec les immeubles, qui ressemblaient aussi à un brouillard, plus sombre au loin. Mais plus on se rapproche, plus les immeubles apparaissent et plus les immeubles deviennent seuls. Deviennent terre, sable. Le sable devient un mélange de ciment et de roche et de terre, de mousse et de verre, mais de couleur sombre, gris, ocre, mais sombre, bleuté. Sombre, gris, sombre, ou parfois gris, plus clair, mais gris quand même. Finalement, c'est quand même dans le ciel qu'il y a le plus de lumière. C'est du ciel que vient la lumière. Même si les nuages l'assombrissent, à certains endroits et assombrissent le sol, assombrissent les immeubles, et quand ils sont blancs, ils les effacent.